Premièrement, l'histoire de Charles XII, roi de Suède, paru en 1731. Souvent considéré comme le chef-d'œuvre de l'histoire narrative, quand il raconte par exemple les batailles de Narva ou de Pultava, j'ai en fait retenu de ce premier ouvrage historique d'abord le discours initial qui tient lieu de préface et qui développe d'autres principes utiles à tout historien.